d'Ouïman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des enseignants partis tardivement en retraite par rapport à la date réelle de départ se voient actuellement exigés de payer les salaires perçus après cette date. Une mesure injuste à leurs yeux, puisque n'ayant pas encore reçu l'avertissement des supérieurs et hiérarchiques, vous entendrez les explications du président de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale. Et la secrétaire au lycée technique Christ Roy de Mouchacha a été libérée ce jeudi après près de 2 ans d'incarcération pour avoir dénoncé des abus sexuels rapportés à cet établissement scolaire. Des collègues réclament la réintégration au service d'Emilienne Sibomana. Et la présidente du Conseil national de la communication appelle les animateurs des émissions en direct à la stricte vigilance pour barrer la route aux messages de haine de la part des intervenants. Et quand un fils force ses parents à quitter sa maison, cela dépasse l'entendement. Et pourtant, cela se passe à Gatunguru, en commune Mutibuzi, de la province Bujumbura. Vous l'entendrez dans la chronique environnement. Nous vous proposons la deuxième partie sur les conséquences de la pollution du lac Tanganyika sur sa biodiversité animale. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA, dénonce que des enseignants qui partent en retraite actuellement se voient exigés de payer les salaires perçus après la date de départ. Ils sont donc restés au travail puisque n'ayant pas encore reçu l'avertissement des supérieurs hiérarchiques. Dans un communiqué sorti ce jeudi, le vice-président de la COSESONA annonce l'intention des concernés de porter plainte à la justice puisqu'ils sont contraints de rembourser ces salaires avant d'avoir accès aux documents de l'ONPR. Emmanuel Machandari déplore également que la mesure accordant un dernier salaire aux retraités tarde toujours à être mise en œuvre. Suivez-le. Avec la révision du statut général des fonctionnaires, le gouvernement a pris la mesure de mettre en retraite les enseignants ayant atteint 60 ans et plus, sans tenir compte des engagements que ces derniers avaient envers les banques et les institutions financières. Cette mesure de mettre fin précipitamment à la carrière des enseignants s'était fondée sur la promulgation de la loi portant modification de certaines dispositions du Code de protection sociale qui, en son article 6, disposait que le montant mensuel de la pension de vieillesse ou de la pension anticipée est calculé de telle manière qu'il est égal au dernier salaire net du mois précédent, celui de la mise à la retraite pour limite d'âge, celui du constat de l'invalidité ou celui de la mise à la retraite anticipée. Cette loi n'a jamais été mise en application il y a de cela plus de 4 ans. De plus, l'accès aux documents exigés par l'ONPR, à savoir la lettre de mise à la retraite et le document de mise à jour de la carrière, a pris plus de 5 mois. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène nouveau où un enseignant ayant presté au-delà de la date de départ à la retraite parce que son chef hiérarchique ne l'a pas averti et que l'année scolaire n'était pas clôturée est contraint de payer les salaires perçus pour avoir accès aux documents exigés par l'ONPR. Or, selon l'article 105, alinéa 3 du statut général des fonctionnaires, je cite, « La décision de mise en retraite est prise par le ministre et à la fonction publique dans cette attribution sur les propositions du ministre dont relève le fonctionnaire. » Fin de citation. En notre entendement, si la fonction publique exige le paiement de ses salaires dûment perçus par l'enseignant retraité alors qu'il était au service et que ce dernier n'avait pas été averti, il sera dans l'obligation de recourir à la justice et d'exiger les frais de consultance du travail accompli. Pour éviter qu'il en soit ainsi, les syndicats des enseignants demandent la restitution des paiements déjà effectués par les enseignants retraités et l'octroi sans condition des documents que l'ONPR exige du fonctionnaire parti à retraite. Emmanuel Machandari, vice-président de la COSESONA. Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée technique Christ Roy de Mouchacha, qui était incarcérée depuis près de 2 ans pour avoir dénoncé des abus sexuels rapportés à cet établissement scolaire, a été libérée ce jeudi. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi salue cette libération et invite les défenseurs des droits de l'homme à prendre ce cas comme un modèle leur permettant de vaincre la peur des conséquences liées à leurs actions. Antoine Manouma, président de cette fédération, demande au ministère de l'Éducation de la réintégrer dans son service dans les plus brefs délais. On l'écoute. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEP, c'est une joie immense. En grand honneur, après la libération, ce 21 novembre 2024, de notre camarade Sibomana Emilien, qui était incarcéré injustement depuis près de 2 ans pour avoir dénoncé les abus sexuels, dont étaient victimes les élèves filles du lycée technique Christian Roy de Gitega. La libération de Sibomana Emilien vient nous réconforter parce qu'elle confirme que toutes nos interventions n'étaient qu'une pure vérité. En se référant à l'exemple de Sibomana Emilien, les défenseurs des droits humains devraient vaincre la peur et surmonter la peur des conséquences liées à leurs actions, car la vérité finit par l'emporter. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué pour parvenir à la libération de notre camarade Sibomana Emilien. Que nos vives remerciements parviennent aux médias, aux organisations engagées dans la défense des droits humains et à ses avocats. Nous demandons au ministère et à l'éducation, dans ses attributions, de procéder à la réintégration sans condition de Sibomana Emilien afin qu'elle reprenne le service. Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les défenseurs des droits humains, car ils sont utiles et contribuent efficacement dans la promotion et le respect des droits humains. C'était Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les animateurs des émissions en direct doivent être très vigilants et recadrer les intervenants pour balayer la route aux messages de haine et d'incitation à la violence. Un appel de la présidente du Conseil national de la communication CNC lors de la vulgarisation d'une étude analytique de ces messages. Ambassadeur Espérance Ndayizeye a fait savoir que ce conseil va organiser des sessions de formation sur cette thématique. On l'écoute. Les médias sont parmi les premiers vecteurs des messages de haine et d'incitation à la violence. Les médias donnent des canaux de transmission de ces messages à ceux qui veulent les utiliser pour une raison quelconque pour lancer des messages de haine. Donc, nous insistons pour que les médias puissent continuer à jouer leur rôle. Le rôle des médias, ce n'est pas de lancer des messages de haine ou de violence, d'incitation à la violence. Le rôle des médias, c'est de bâtir une société où règne la cohésion et la paix. Nous disons que si un message est déjà posté sur la plateforme d'un médium, si c'est un message de haine ou d'incitation à la violence, ou autre message d'atteinte à la vie privée, il y a beaucoup de messages qui ne sont pas la bienvenue dans les médias. Nous leur demandons de supprimer le message de la plateforme. Parce que si le message est supprimé, même les commentaires cessent. Et sinon, nous mettons en avant la prévention. Il faut que les médias essaient d'être vigilants pour que ces messages-là ne puissent passer, continuer à passer dans leurs médias, pour qu'ils puissent éviter que des personnes viennent et qu'ils se lancent des messages de haine et d'incitation à la violence. Pour les réseaux sociaux qui sont enregistrés au CNC, nous leur interpellons de cesser de diffuser ou de publier de tels messages. Pour ceux qui ne sont pas enregistrés au CNC, nous leur demandons de se faire enregistrer parce que c'est même pour leur protection. Ils peuvent se cacher derrière des pseudonymes, mais ils peuvent être découverts. Quand ils seront découverts, ils seront non seulement punis parce qu'ils opèrent sans la carte de presse, mais aussi ils seront punis pour la faute qu'ils auront commise. Nous avons constaté que des messages de haine et des situations à la violence sont des messages qui peuvent survenir même en période normale comme en période électorale. Mais pour la période électorale, comme on a toujours dit, nous interpellons les journalistes, surtout ceux qui animent des émissions en direct, de rester vigilants, de rester prudents pour qu'ils puissent contrôler leurs interlocuteurs. Et nous constatons aussi qu'il y a besoin aussi d'une formation pour ces journalistes-là qui animent des émissions vraiment qui sont très importantes pour la société, mais qui sont aussi très délicates. Donc, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons organiser une formation pour eux, pour qu'ils puissent avoir beaucoup de capacités, pour qu'ils puissent animer ces émissions. Mais aussi nous interpellons les responsables des médias. Pour des émissions en direct, il ne faut pas qu'ils puissent affecter un journaliste nouveau dans le métier. Il faut qu'ils choisissent un journaliste qui a suffisamment de connaissances et de tactiques pour pouvoir animer une émission pareille. Ambassadeur Espérance Ndayizeye, présidente du Conseil national de la communication, CNC. Un couple de septuagénaires hospitalisés à l'hôpital Prince Régent Charles des suites de coups et blessures leur infligées par des agents de la police qui les ont forcés à quitter la maison de leur fils. Sizaga Tunguru, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, cet homme reconnaît avoir sollicité les services du gouverneur de province pour cette besogne, tout en niant toute implication des deux dans cette violence contre ses parents. Mais des témoins affirment bel et bien que ces vieux ont été malmenés au moment de les faire sortir par force. Un reportage de Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana. Cyprien Kumasavo, 79 ans, indique qu'après avoir été installé dans la maison de son fils, il se trouva dans la colline Gatunguru de la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Il lui a exigé de vendre ses vaches en vue de lui acheter une maison. Ce vieillard indique que son enfant, jusqu'à qu'elle a abandonné de s'acquitter de son devoir de pension alimentaire pour ses parents. Ainsi, son fils lui a intimé l'ordre de quitter sa maison alors qu'il compte leur louer une autre maison, ce qui n'a pas pu ses parents. Cyprien, par après, a porté plainte auprès des notables collinaires à Gatunguru. Mon fils, Dikumasao Clarté, m'a dit qu'il voulait m'acheter une maison ici dans la ville de Bujumbura. Il m'a posé une seule condition de vendre mes vaches se trouvant à l'intérieur du pays pour que je puisse compléter sa somme. J'ai obéi le souhait de mon fils, mais après avoir vendu mes deux vaches, il a changé d'avis et m'a exigé de quitter sa maison arguant qu'il comptait louer une autre maison pour nous et par après... J'ai porté plainte auprès des notables collinaires à Gatunguru. Clarité, dit comme à savoir au fils de Cyprien, ni qu'il n'a jamais abandonné d'honorer ses parents et qu'il n'a jamais été notifié de cette plainte. Et c'est pour cela qu'il s'est confié, indique-t-il, au gouverneur de la province Bujumbura pour que cette autorité intervienne. Par la suite, le gouverneur de la province Bujumbura, Désiré Sengiyumva, a ordonné que les parents de Clarité soient obligés de quitter la maison en dehors de 2 semaines. Mais avant l'échéance, ses parents ont été embarqués par force dans une voiture et ramenés jusqu'à la province Mwalo à leur domicile. Le gouverneur de la province Bujumbura est venu lui-même. Puis, il a ordonné que je quitte la maison en dehors de 2 semaines. Mais avant l'échéance, nous avons été embarqués par force dans une voiture qui nous a conduits jusqu'en province natale de Moir. Certains voisins témoignent que les parents de Clarité ont été malmenés de telle manière. Le gouverneur de la province Bujumbura confirme son intervention dans cette affaire, mais n'admet pas que ces victimes ont été violentées sur l'ordre de son autorité. Nouvelle des Provence à présent, les habitants issus des familles de la communauté des Batois de la colline Magamba, commune des Provence et Kayanza, dont les toitures de maison ont été emportées par le vent, réclament leur réhabilitation urgente. Godefroy Nionizigi, administrateur communal de Kayanza, indique que 10 sur 30 de ces maisons ont été déjà réhabilitées et que les travaux continuent. Au niveau du Centre du développement familial et communautaire à Kayanza, on fait savoir que plus de 1000 maisons dans toute la province devraient être réhabilitées. Patrick Sengéoum. Les habitants de la communauté des Batois de la colline Magamba en commune et province Kayanza, dont les toitures de leur maison d'habitation ont été emportées par de vent violent le mois passé, tirent sur la sonnette d'alarme qu'ils vivaient dans des conditions précaires et qu'ils souffraient beaucoup surtout quand il pleut la nuit. Ils font savoir que l'administrateur communal Kayanza les ont visités un jour pour s'enquérir des conditions dans lesquelles ils vivent, mais qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui a été déjà fait pour les soutenir. Certains parmi ces Batois de Magamba déplorent d'ailleurs que quand il pleut, certains des matériaux les scolaires de leurs enfants scolarisés sont endommagés. Ils demandent à l'administration communale Kayanza et à tout autre ami charitable de leur venir en aide en leur accordant tout au moins des tentes pour couvrir provisoirement leur maison d'habitation. Contacté à ce sujet Godefroy Nionizigi, administrateur communal Kayanza, celui-ci nous a fait savoir que les travaux de réhabilitation des toitures des maisons de ces Batois de Magamba, victimes des fortes pluies et des vents violents du mois passé, sont déjà en cours. Vous saurez que c'est Leninda Isawa, la directrice du bureau en charge du développement communautaire et familial à Kayanza, indique que 1300 maisons d'habitation des familles et des Batois en cette province, les toitures nécessitent d'être réhabilitées, d'où il demande aux bienfaiteurs d'intervenir pour trouver des tôles qui serviront à le faire. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganilo. Et certains propriétaires de parcelles dans le village Ngurunziza City, Siza Gatete, en commune et province Rumonge, demandent à l'entreprise de construction Chico, réhabilitant la RN3, tronçon Rumonge-Nyanzalac, de leur restituer leurs parcelles que cette entreprise exploiterait sans leur aval. C'est après près d'un mois que les 10 propriétaires aient écrit une correspondance et ont attendu une réaction de la part de cette entreprise, mais en vain, tout en continuant à y déposer des concassés. Au niveau de l'entreprise Chico, l'on renvoie la balle au responsable du projet de viabilisation de ce village. Celui-ci refuse jusqu'à présent de tout commentaire. Jean-Pierre Missak. Dans une correspondance du 23 octobre 2024 adressée à l'entreprise Chico, réhabilitant la route nationale numéro 3 tronçon Rumonge-Nyanzalac, les signataires accusent cette entreprise de continuer à stocker des concassés dans leurs parcelles du site Ngurunziza City sans les consulter et en l'absence de tout contrat les liant avec cette entreprise après les avoir terrassés, endommageant du coup champ de manioc, pierres, briques et fondations, des biens qui auraient ensuite disparu et enlevant les bornes selon cette correspondance. Après près d'un mois sans réponse à leur correspondance, les signataires demandent avec insistance à l'entreprise Chico de leur restituer les parcelles à l'état dans lequel cette entreprise les a trouvées afin qu'ils les utilisent selon leurs prévisions. Au niveau de l'entreprise Chico, pointé du doigt au premier plan, l'on renvoie la balle à Benjamin Bikolimana, représentant légal de l'entreprise de construction et de fourniture viabilisant son site. Par rapport à cette préoccupation, Benjamin Bikolimana se refuse de tout commentaire. Il dira simplement qu'il ne s'agit pas de champ de culture, mais d'un site en cours de viabilisation et que la plantation du maïs ou les boutures de manioc ne va pas de pair avec la viabilisation quand il s'agit de s'exprimer sur les raisons l'ayant poussé à opposer son refus catégorique aux autres propriétaires de parcelles qui voulaient continuer à y cultiver. Jean-Pierre Misago, depuis Gatete, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Dans la chronique précédente, un chercheur et enseignant d'université a expliqué la pollution des eaux du lac Tanganyika par les déchets divers qui y sont déversés. Dans la chronique d'aujourd'hui, Rémi-Marie Ngurunziza explique que cette pollution pousse certaines espèces comme le poisson moukéké à fuir son habitat naturel. Il a également signalé que les hommes pourraient attraper des maladies comme le cancer en consommant du ndagala ou du moukéké contaminé par les toxines issues de ces déchets. Lydie Gahimbari. Le chercheur en hydrologie explique que les déchets qui se déversent dans le lac Tanganyika ont des effets négatifs sur la biodiversité. Il donne l'exemple des poissons du moukéké, son milieu naturel qui est déjà pollué. Les déchets que nous jetons dans le lac ont une lourde conséquence sur la biodiversité du lac. D'abord, il y a le milieu naturel, chaque espèce a son milieu naturel. Ça veut dire que si son milieu naturel est perturbé, ça veut dire soit l'espèce va mourir ou bien l'espèce va fuir le milieu. Dans les années 80, on pouvait facilement pêcher le moukéké sur les côtes tout près du port vers Gatumba. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Le moukéké a fui l'espace qui est fortement pollué vers l'espace qui est moins pollué. Le chercheur ajoute que la pollution des eaux du lac Tanganyika a également des conséquences négatives sur la santé des consommateurs du poisson du moukéké qui est déjà contaminé par les toxines qui proviennent des déchets qui se déversent dans le lac Tanganyika. Ces consommateurs pourraient être attaqués par des maladies comme le cancer. La pollution du lac a un impact très négatif sur la santé même des consommateurs de l'eau du lac. Je donnerai à titre d'exemple On peut trouver dans l'eau du lac, par exemple, les métaux lourds, ce qu'on appelle les métaux lourds. Alors, les métaux lourds, ils ont en effet ce qu'on appelle l'effet accumulateur, bio-accumulateur, ça veut dire s'accumule dans les tissus, par exemple, des poissons. Et quand quelqu'un va consommer en retour un poisson qui est contaminé par ces métaux lourds, alors l'homme va accumuler petit à petit, ces métaux lourds. Alors, ces métaux lourds sont de lourdes conséquences parce qu'ils peuvent être à la base des cancers. Et les cancers, d'ailleurs, que nous observons à grande échelle, même dans les hôpitaux maintenant. Alors, on se demande exactement est-ce que le cancer n'est pas lié à ce qu'il a consommé? Est-ce que c'est l'eau ou bien c'est la pollution de l'air? C'est quoi? C'est pour cela que la pollution de l'eau a un impact négatif sur la dynamique des êtres vivants, de la biodiversité du lac. Et même nous-mêmes, ça nous touche. Rémi Marie Ngurudiza appelle la population urbaine à savoir bien gérer les déchets ménagers. La protection du lac Tanganyika commence dans nos ménages. Donc, il faut savoir gérer nos déchets. Les déchets que nous jetons dans le lac ou bien dans les rivières et qui, au finish, volent les chariots vers le lac Tanganyika. Commencer la gestion des déchets. Et c'est dommage, d'ailleurs, que même dans notre ville, Bujumbura, et même bien dans d'autres villes, on n'a pas de centre approprié pour la gestion des déchets. Alors, les gens vont jeter les déchets là où ils peuvent. Et je vais signaler aussi qu'il y a des gens qui, non seulement les déchets qui sont générés, les déchets solides dont nous voyons facilement, mais il y a d'autres déchets, surtout en provenance des toilettes. Il y a des gens qui mettent des tuyauteries. La tuyauterie va faire sointer petit à petit des quantités de déchets et qui sont hautement pollués et qui vont se déverser dans les lacs. Il demande au gouvernement à bien gérer le dépotoir en place suivant les normes, sinon l'environnement et les eaux du lac Tanganyika continuent à être pollués. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.